Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات Faire des courses Faire des courses أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Je veux aller à la bibliothèque. Je veux aller à la bibliothèque. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Je veux aller à la librairie. Je veux aller à la librairie. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Je veux aller au kiosque. Je veux aller au kiosque. أريد أن أستعير كتابا. Je veux emprunter un livre. Je veux emprunter un livre. أريد أن أشتري كتابا. Je veux acheter un livre. Je veux acheter un livre. أريد أن أشتري جريدة. Je veux acheter un journal. Je veux acheter un journal. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller chez l'opticien. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Je veux aller au supermarché. Je veux aller au supermarché. أريد أن أذهب إلى المخبز. Je veux aller chez le boulanger. Je veux aller chez le boulanger. أريد أن أشتري نظارة. Je veux acheter une paire de lunettes. Je veux acheter une paire de lunettes. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Je veux acheter des fruits et des légumes. Je veux acheter des fruits et des légumes. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Je veux acheter des petits pains et du pain. Je veux acheter des petits pains et du pain. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Je veux aller au supermarché pour acheter